l'ombre d'elle que je croyais s'effacer. Des amours, une semaine, d'une folie d'un été, des erreurs, des calendres, des mensonges, des pives et pourtant elles me souviennent avec tant de netteté et de façon si soudaine que je ne peux en douter. Si j'en ai rêvé certaines, d'autres ont bien existé et j'ai encore de la peine de les avoir vues s'évader. Parmi ces liaisons anciennes, je vois avec acuité le visage d'une Ilienne, sa jeunesse, sa beauté. Je sens sa main dans la mienne, l'insolent de ses baisers. Était-ce à Ouessen ou Molène? Il a coulé trop d'années, tant de fées, tant de sirènes passantes que j'ai cru aimer. Était-ce à Ouessen ou Molène? Comment aurais-je pu oublier? Comment aurais-je pu oublier? Parmi ces liaisons anciennes, je vois avec acuité le visage d'une Ilienne, sa jeunesse, sa beauté. Je sens sa main dans la mienne, l'insolent de ses baisers. Était-ce à Ouessen ou Molène? Il a coulé trop d'années, trop de fées, trop de sirènes passantes qui ont cru m'aimer. Était-ce à Ouessen ou Molène? Comment aurais-je pu oublier? Comment ai-je pu oublier? Comment ai-je pu oublier? Comment ai-je pu oublier?